paysage. Le monde ne comprend pas le regard des éléphants. Ils savent aimer. Ils sont plus qu'un paysage, un miracle de la vie. Ils sont la rencontre, la caresse, des corps brûlés qui jouent au soleil avec du calme, sans sade. J'observe, j'évoque les deux câlins de mon enfant.